Patrick, thanks a lot, you're in. Giorgio, we cannot hear you. My man. Thank you. of it. Wow. Ah, l'enrichissement de la fin là, franchement, c'était trop beau. Alors du coup, tu sais ce que t'as fait? Tu peux me le dire? C'est de la bombe en tout cas. Tu vois la petite altération qui fait que tu passes sur le truc blues là, qui fait que c'est chaud. Pouf, ça marche, tu sais le faire. J'espère que tu vas bien. Et moi j'ai envie d'appuyer sur mon bouton magique. Let's roll the dice. Mi mineur.